sable, Tata Québec. Bonjour à tous, bienvenue au Grain de Sable, c'est le terme qui vous accompagne aujourd'hui en l'absence de notre animatrice habituelle Valérie Blouin, que vous pourrez néanmoins retrouver sans faute la semaine prochaine, alors pas d'inquiétude. En attendant, on vous a préparé une émission, mais j'espère qu'il va vous garder scotché à votre fauteuil pour l'heure qui vient. Alors on va commencer aujourd'hui en parlant décroissance, et oui, décroissance c'est un sujet bien actuel qui fait débat, et justement la revue Relations organise un débat ce lundi à Québec sur le sujet. Alors on va essayer de dresser la table en quelque sorte aujourd'hui en prévision de cet événement-là qui va arriver la semaine prochaine. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on va retrouver Michel Monnette, qui va venir nous présenter sa première chronique de la saison consacrée au militantisme et à Internet. Alors, j'espère que votre curiosité est piquée. Avant de se lancer, on commence d'abord en chanson avec Arcade Fire et la chanson Haïti. Alors, à tout de suite sur CKRL, la radio qui cultive tes goûts. C'est Arcade Fire avec la très belle chanson Haïti, en hommage à Haïti, oui je vous le donne en mille. Alors, comme je vous disais en annonçant l'émission, lundi prochain, donc 3 octobre, donc le lundi qui vient, là, après-demain, la revue Relations organise une soirée de débat ici à Québec sur le thème de la décroissance. Alors, décroissance, vaste sujet, hein, assez controversé, il faut l'avouer, mais qui s'est quand même imposé petit à petit dans le débat public ces dernières années, même si évidemment, bon, l'idée est encore très loin de faire l'unanimité, c'est moins qu'on puisse dire. C'est évidemment d'autant plus le cas que la situation de crise économique qu'on traverse actuellement, mais pousse plutôt les décideurs à chercher à tout prix à relancer la croissance. Donc on veut relancer la croissance pour renflouer les coffres de l'État, on veut relancer la croissance pour combattre le chômage. Bref, il semble que relancer la croissance soit vraiment le moyen pour sortir de la crise. Or, il y a un certain nombre de personnes qui prétendent que non seulement la croissance ne peut pas faire partie de la solution à la crise, mais qu'en réalité, elle fait vraiment partie du problème en lui-même. Alors, ces personnes-là, on peut les appeler objecteurs de croissance, ou elles s'appellent même objecteurs de croissance, partisans de la simplicité volontaire, ou tout simplement décroissance. C'est des mots qu'on commence vraiment à entendre de plus en plus. Ils ont en tout cas tous en commun, peu importe comment on les appelle, de prôner une rupture radicale avec le système actuel, et de relier leur projet de rupture à la notion, justement, de décroissance. Alors, qu'est-ce qu'elle désigne exactement cette notion de décroissance? En quoi ça consisterait une société qui décroît? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est même souhaitable? Est-ce qu'on peut souhaiter engager le chemin de la décroissance? C'est des questions qu'on va essayer, qui seront évidemment traitées lundi pendant la soirée débat consacrée au thème de la décroissance. Mais on voulait commencer à aborder ces questions-là avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'on vous propose, en fait, c'est une série d'extraits d'un entretien qui a été réalisé par le journaliste français Daniel Mermet en 2004, pour le compte de la radio France Inter. C'est un entretien de Serge Latouche. Alors Serge Latouche, c'est un des penseurs phares actuellement de la décroissance. Et ce jour-là, il est venu expliquer à Daniel Mermet en quoi consiste pour lui, hein, l'idée de décroissance, qui représente pour Serge Latouche, mais non seulement, et ça qui est intéressant, non seulement une nécessité d'un point de vue écologique, mais aussi une chance énorme, une opportunité, en fait, d'un point de vue social, économique, politique, éthique, pour la vie de tous les jours, de tout un chacun, quoi. Alors, écoutez, on va tout de suite commencer avec le premier extrait de cet entretien, dans lequel Serge Latouche va nous expliquer tout d'abord ce à quoi la décroissance s'oppose, c'est-à-dire ce qu'il appelle les sociétés de croissance, et les raisons pour lesquelles il considère que ces sociétés de croissance sont profondément absurdes et invivables. Et on va prendre des mots très, très communs, quotidiennement entendus. On va prendre le mot croissance, hein, ça c'est un des mots que vous avez sans doute le plus prononcé dans votre vie. On nous dit, il faut de la croissance, ayons une politique de croissance, et la croissance c'est bien, c'est beau, c'est comme le progrès, enfin, c'est toutes ces choses qui sont positives. Hein. Et la croissance, eh bien, ça amènera à l'emploi, la croissance, enfin, voilà l'avenir, voilà le but. On entend ce mot à longueur de journée. Et vous faites partie de ceux, et depuis longtemps, pour ce qui vous concerne, qui disent non. Alors, non à la croissance. Quel sens, d'abord, vous donnez à ce mot croissance? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Alors, bon, on sait que la croissance, c'est la croissance économique, c'est dont on a un indice qui est fétiche, qui est la croissance du produit intérieur brut, global ou par tête. Et... Alors, quand on dit croissance, c'est un mot piège, parce que, bien évidemment, qui peut être contre la croissance? En fait, il faut penser que nous sommes dans une société de croissance, c'est-à-dire un système organisé où la croissance est un but en elle-même. C'est un système qui est fondé sur la croissance pour la croissance. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire croître la production pour faire croître la consommation, pour faire croître la production. Pour faire, c'est un cercle infini. On pourrait parler du synclodrome, du rasoir électrique de Nicolas Gerhardt-Schröder. Il disait, pourquoi inventer un rasoir plus performant? Pour gagner du temps. Mais pourquoi gagner du temps? Pour pouvoir inventer un rasoir encore plus performant, pour gagner du temps, pour inventer. Bien, on est un peu dans cette espèce de cercle vicieux du toujours plus, d'une absence de limite. Alors vous faites, dans la critique que vous faites de la croissance, vous dites la société de croissance engendre des inégalités, des injustices, crée un bien-être illusoire et une antisociété malade de sa richesse. Alors, est-ce que vous pouvez développer un peu ces... Oui, alors bon, on pourrait écrire des livres là-dessus. La croissance à l'heure actuelle, bon, engendre d'abord un prélèvement sur la nature qui n'est plus soutenable. C'est-à-dire que pour continuer à croître, nous devons détruire toujours plus notre habitat, hein, produire des gaz à effet de serre qui ont comme conséquence maintenant acceptée à peu près par tous le dérèglement climatique. Nous devons produire toujours plus de déchets dont nous ne savons plus que faire, détruire les matières premières, détruire les forêts, etc. Donc alors, et les retombées ce que les économistes appellent les externalités négatives de cette croissance. Externalités négatives. Mmh. C'est-à-dire ces effets qui ne sont pas comptabilisés, mais qui se traduisent sous forme de dysfonctionnement, de coûts pour les individus qui sont obligés, par exemple, à cause de la pollution. On connaît maintenant le rapport du professeur Belpomme sur les effets cancérigènes des rejets dans l'atmosphère, des métaux lourds, des quantités de choses. Et nous sommes tous plus ou moins... tout homme bien portant maintenant est un malade qui s'ignore, et donc nous devons continuellement prendre des médicaments pour compenser les dysfonctionnements sanitaires engendrés par la pollution. Donc on est arrivé à un moment, comme je dis, la croissance crée un bien-être illusoire. On en a des indices assez solides. Un ancien directeur de la Banque mondiale, qui n'est pas Stiglitz, mais qui est plus ancien, Herman Daly, a mis au point ce qu'il appelle « genuine progress indicator », c'est-à-dire un indice du progrès authentique, du bien-être authentique. Et il montre, en déduisant du PNB fétiche, en déduisant les dégâts produits à l'environnement, et en ajoutant quelque chose d'assez intéressant, le produit domestique. La croissance a aussi des effets de déplacement, c'est-à-dire qu'on consomme moins de produits non marchands, parce que ceux-ci disparaissent, et on remplace des consommations gratuites par des consommations payantes. Le meilleur exemple, évidemment, c'est lorsqu'une femme qui préparait les repas va travailler, elle augmente le produit national brut, mais parce qu'on achète les repas alors qu'avant, on ne les payait pas. Et il a montré... pour les États-Unis, qu'à partir des années 70, il y a ce que les statisticiens appellent un ciseau, c'est-à-dire qu'alors que le produit intérieur brut continue à augmenter, le bien-être diminue. Alors, l'idée provocatrice un peu qui nous est venue, c'est que si on diminuait le produit intérieur brut, on augmenterait de nouveau le bien-être, on renverserait le ciseau. Vous dites, la société de croissance engendre des inégalités, des injustices. Dans quelle mesure ? Alors, là, je crois qu'il suffit de lire les rapports annuels du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui est un catalogue d'horreur chaque année. On apprend qu'il y a encore un peu plus d'injustice dans le monde. Il y a quelques années, les 15 plus grandes fortunes de la planète avaient un patrimoine supérieur au produit de toute l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 600 à 700 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce n'est plus 15, c'est 3. Alors, on a d'un côté 3 personnes immensément riches et 600 millions de gens qui se débrouillent avec presque rien. Mmh. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est... Bon, mais il y en a des quantités comme ça. Et ces inégalités se sont développées de façon fantastique à partir des années Reagan-Thatcher. Où ce qui était nouveau, parce qu'on peut dire quand même que pendant les 30 Glorieuses, il y avait une certaine répartition des fruits de cette croissance. À l'heure actuelle, il n'y a plus de répartition, c'est-à-dire que les riches deviennent toujours plus riches, au nord comme au sud, et les pauvres toujours plus pauvres. Voilà, alors c'était Serge Latouche qui nous expliquait donc les dysfonctionnements qu'il associe, lui, aux sociétés de croissance, c'est-à-dire nos sociétés, en fait, où la croissance d'un indicateur comptable comme le PIB devient en fait une fin en soi, même si elle ne correspond plus à un certain moment à une amélioration concrète du bien-être de la majorité de la population. Donc il a donné l'exemple des États-Unis, où à partir des années 70, le PIB continue d'augmenter, alors qu'on observe un déclin, une diminution du bien-être de la majorité de la population, et sans parler évidemment des conséquences environnementales, et plus récemment de l'accroissement en plus des inégalités, c'est-à-dire qu'on produit de plus en plus, mais pour qu'une petite partie de la population s'accapare finalement le produit de cette production. Dans le deuxième extrait qu'on va passer maintenant, avant d'aborder la question de la décroissance à proprement parler, Serge Latouche va donner son avis sur une des solutions qu'on nous vend en fait à l'heure actuelle de plus en plus comme étant la solution aux problèmes environnementaux auxquels on est confronté, c'est-à-dire le développement durable. Alors c'est un beau concept, on le répète à tort et à travers dans tous les sens, tout le monde fait maintenant du développement durable. Vous allez voir que Serge Latouche, finalement, lui, n'est pas vraiment un grand partisan de l'idée, et on va voir pourquoi. Parlez-moi du développement durable. Voilà encore une expression qu'on entend à longueur de journée, le développement durable. On dit c'est bien développement, c'est beau le mot développement, et puis durable c'est bien. Il y a des tas de mots comme ça, croissant, développement durable, libéralisme c'est beau, il y a liberté dans le libéralisme, développement durable. Alors, je considère que le développement durable est la plus grande escroquerie intellectuelle du siècle. Et c'est le plus bel oxymore engendré par l'esprit humain, c'est-à-dire contradiction. On a une contradiction réelle, l'incompatibilité fondamentale, radicale du développement économique avec la survie de la planète, tout simplement pour une raison très élémentaire, c'est que un monde fini est incompatible avec une croissance infinie. Et à partir de là, évidemment, pour ne rien changer, pour ne pas remettre en cause le système, on cherche toutes sortes de biais, et le meilleur biais, évidemment, pour ne pas changer les choses, c'est de changer les mots. On accole deux mots contradictoires, le développement qu'il s'agit absolument de faire durer, d'ailleurs beaucoup entendent développement durable, puisqu'on a traduit la sustainabilité par durable en français, développement durable comme un développement qui pourra durer éternellement, et la préservation des écosystèmes ou de la biosphère, c'est-à-dire la soutenabilité. Alors la soutenabilité, l'idée qu'il faut sauver la planète, c'est évidemment une idée magnifique. Le problème, c'est que c'est totalement incompatible avec le développement réellement existant, mais aussi avec l'imaginaire du développement, c'est-à-dire l'imaginaire d'un toujours plus, d'un système sans limite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au fond, le développement durable met d'accord tout le monde, puisque chacun y trouve son compte. Les écologistes disent, c'est très bien, c'est la survie de la planète. Les industriels, c'est très bien, c'est la survie de l'industrie. Et tout le monde est d'accord. Alors, je pense qu'un mot d'ordre qui met d'accord les gens qui ont des intérêts fondamentalement contradictoires est une mystification. C'est comme une clé qui ouvrirait toutes les portes. Voilà, donc ici Serge Latouche qui nous parle du développement durable et qui établit de nouveau un point qui est extrêmement important, en tout cas à mon avis, puisqu'il affirme que le développement durable est un concept totalement contradictoire. Pourquoi ? Parce qu'il suppose, comme il nous l'explique, de maintenir l'illusion d'un développement qui pourrait être infini dans un monde dont les ressources sont pourtant finies et limitées. Alors effectivement, c'est une critique qui est très pertinente de l'idée de développement durable, mais il semble qu'il faudrait ajouter que c'est une critique pertinente de l'idée de développement durable telle qu'elle est utilisée à l'heure actuelle et telle qu'elle est affichée à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui font justement la distinction entre croissance économique et développement. C'est-à-dire que pour eux, c'est deux notions qui sont distinctes, donc qu'il faut distinguer, puisque le développement pour eux ne peut pas se réduire justement à une dimension strictement économique, comptable, mais qu'au contraire, la notion de développement, ça englobe plutôt une dimension qualitative. Donc par exemple, pour eux, on peut parler de développement de la culture, de la réflexion, de l'épanouissement personnel, etc., etc. Et donc on pourrait imaginer une société qui continue de se développer d'un point de vue philosophique, qui continue de se développer d'un point de vue culturel, artistique, sans nécessairement que ça passe par une croissance économique au sens strict, c'est-à-dire au sens comptable de plus de biens matériels. Donc avant de continuer maintenant avec Serge Latouche, on va y aller en chanson. En fait, on va s'écouter Le Diable et le Fermier. C'est une chanson qui est interprétée par trois groupes de musique traditionnelle québécoise. Alors, on a les Charbonniers de l'Enfer, Galant, Tu perds ton temps et Vent du Nord. C'est une chanson qui a été écrite pour protester contre l'exploitation des gaz de schiste au Québec. Donc on reste dans le thème écologique. Alors on se retrouve tout de suite après. C'est l'histoire d'un diable sortant tout droit des flammes, promettant au fermier de lui laisser son âme. Promettant au fermier de lui laisser son âme. S'ils partageaient ensemble les fruits de la moisson, à chacun sa moitié, c'est une obligation. À chacun sa moitié, c'est une obligation. Gardez ce qu'il reste sur la terre à l'automne. Le fermier accepta et planta des panais, des patates, des carottes, véritable navet. Des patates, des carottes, véritable navet. Ho, ho, ho! Qui céderait pour un rien? Ho, ho, ho! Les richesses de ces terres. Ho, ho, ho! Quand arrive le temps d'échanger le butin, le diable en maudit ne lui restait plus rien. Le diable en maudit ne lui restait plus rien. Dit alors au fermier pour changer l'an prochain. Prenez donc à votre tour ce qui pousse sur le terrain. Prenez donc à votre tour ce qui pousse sur le terrain. Le fermier accepta et planta cette fois des tomates, des courgettes, des melons et des pois. Des tomates, des courgettes, des melons et des pois. Le diable au récolte, drapoyant le néant, retourna vers Satan, le fermier triomphant. Retourna vers Satan, le fermier triomphant. Ho, ho, ho! Qui jouerait son avenir? Ho, ho, ho! Sans connaître le marché. Ho, ho, ho! Qui voudrait fractionner? Ho, ho, ho! La terre dessous ses pieds. Le diable revint, respectant sa parole. De l'eau, du gaz, du fer, il viderait le sol. De l'eau, du gaz, du fer, il viderait le sol. Alors à la surface, qu'allait-il bien pousser? L'eau souillerait les fuites de gaz empoisonné. L'eau souillerait les fuites de gaz empoisonné. Les ressources dépouillées, il s'était enrichi, laissant que du béton. Le diable reparti. Laissant que du béton, le diable reparti. La terre fragilisée, comme ce Québécois condamné à bouillir l'eau que son enfant boit. Condamné à bouillir l'eau que son enfant boit. Ho, ho, ho! Mais au bout de l'histoire, ho, ho, ho! Qui donc aura perdu? Ho, ho! Précieuse énergie. Oh, oh, oh, les enjeux du Paris. Voilà, une bien belle chanson qui porte donc sur les gaz de schiste. On continue sur Grain de Sable, sur les ondes de CKRL, toujours en parlant décroissance. Alors, bah justement, la décroissance, à proprement parler, c'est le sujet du prochain extrait qu'on vous propose de Serge Latouche. Il va nous expliquer en fait ce que ça désigne exactement, cette expression-là, qui laisse généralement personne indifférent, mais qu'on a souvent un petit peu de mal à définir. Alors, qu'est-ce que c'est que la décroissance? C'est pas un mot nouveau, on avait apparu ce mot au début des années 70, la décroissance. Oui, alors la décroissance, c'est pas le symétrique de la croissance. La croissance est un concept, hein, on a fait des théories de la croissance. La décroissance, c'est un slogan qui, comme tout slogan, a pour objectif de provoquer d'abord une sidération. Parce que comment c'est possible de se mettre derrière la bannière de la décroissance, hein? Ça veut dire, en fait, le mot qui serait le plus juste, hein, serait de parler d'accroissance, avec le A privatif grec, comme on parle d'athéisme. Et il s'agit bien de la même chose, il s'agit bien d'une question de religion et de foi. La croissance est une religion, hein, donc il s'agit de casser ce culte de la croissance pour la croissance. Bien évidemment, ça serait absurde d'adorer la décroissance pour la décroissance. C'est pour marquer la rupture avec tout cet imaginaire qu'on a évoqué de la croissance, du progrès, du développement, pour retrouver ce que pourrait être la construction d'une société autonome, économe, solidaire, conviviale. Vous allez vous dire que c'est un retour en arrière. Est-ce que ce serait un retour en arrière? Sûrement pas, parce que je pense qu'on ne retourne jamais en arrière. Il y a eu, dans le passé, des sociétés qui se sont en partie approchées de cet idéal, certaines réussites historiques dans l'histoire, mais aucune n'a vraiment, et d'ailleurs on ne réussira probablement jamais à construire une société parfaitement juste, parfaitement équilibrée, où tout le monde se sent bien, etc. Il y a la condition humaine probablement comporte son lot de... Mais on peut... Oui, le problème, c'est qu'on est dans une société du toujours plus. Donc on est sûr que cette société n'engendrera jamais la satisfaction, puisque tout l'objectif de la publicité, c'est de nous convaincre que nous sommes insatisfaits de ce que nous avons pour désirer ce que nous n'avons pas. Donc plus nous en avons, moins nous sommes satisfaits, parce qu'il en faut toujours plus. Une société, on peut penser construire une société apaisée avec elle-même si elle se donne un objectif, mais un objectif qui est limité. C'est cette perte du sens des limites, ce que les Grecs considéraient comme le crime par excellence, l'hubris, la démesure. C'est ça qui est le problème de notre société. Voilà, donc comme le dit Serge Latouche, qui nous parle de la décroissance, il faut entendre dans décroissance plus un slogan qu'un véritable programme. En fait, c'est une invitation à rompre surtout avec l'imaginaire de la croissance, avec l'imaginaire d'une société qui veut toujours accumuler pour le seul bien d'accumuler. Et donc, c'est finalement pas un retour en arrière. Il l'explique très bien. Hein. Ça consiste pas à dire qu'il faut abandonner toute forme de confort, toute forme de progrès, et en revenir à s'éclairer à des bougies, etc. En fait, ça invite plutôt à repenser notre mode d'organisation socio-économique pour nous libérer de la croyance selon laquelle l'accumulation de biens matériels serait la seule source de bonheur. Donc c'est de nouveau un point assez intéressant que nous explique là Serge Latouche, qui est vraiment au cœur évidemment de la réflexion sur la décroissance. Alors pour finir maintenant, on va essayer de voir concrètement comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour engager une société dans le chemin de la décroissance, pour rompre avec cet imaginaire-là. Voici ce que nous propose Serge Latouche comme piste de solution. Alors concrètement, ça donnerait quoi dans la vie quotidienne, cette décroissance? Alors, ça s'appliquerait comment? Ça passerait par où? Parce que là, on est dans les idées. On dit, oui, il a raison. C'est vrai qu'on gâche, c'est vrai qu'on esquinte tout. C'est vrai que cette société de consommation imbécile, on le sent tous. Enfin, concrètement, on peut déjà, réduire considérablement. C'est d'ailleurs une nécessité auquel on sera contraint par la force des choses et probablement de la pire des façons, c'est-à-dire par la violence. On sera contraint de réduire notre niveau de vie, notre mode de vie, parce qu'on aura épuisé nos ressources naturelles. Quand il n'y aura plus une goutte de pétrole, on sera bien obligé de laisser nos sacro-saintes voitures au vestiaire. Mais on peut la concevoir donc comme une réduction du fantastique gaspillage de nos sociétés. On pensait que le budget mondial publicitaire, et on peut penser que la publicité, donc j'ai dit qu'elle engendrait des insatisfactions psychologiques, mais elle engendre aussi une pollution visuelle, une pollution sonore, une pollution mentale, et une pollution spirituelle. Donc ça représente environ 400 à 500 milliards de dollars. C'est le deuxième budget mondial, à ma connaissance, après le budget militaire, qui lui aussi pourrait être redimensionné, 800 milliards de dollars. Bon. Alors on a là des réserves énormes, qui, toutes choses égales d'ailleurs, permettraient d'améliorer les conditions de vie en diminuant l'empreinte écologique, en diminuant notre poids sur la biosphère. Bien évidemment, on pense, mais c'est totalement irréaliste, puisque ce système repose sur la publicité. Donc ça suppose un changement de système. Et le changement de système, comme vous savez, ça ne se décrète pas vraiment. Ça suppose aussi un changement d'imaginaire. Mais ça peut commencer, on peut commencer. Alors je pense qu'il y a toute une série de chaînons. On ne pourra pas bouleverser les choses brutalement, mais on peut commencer petit, on peut commencer là où on peut commencer à tous les échelons, on peut commencer à tous les niveaux. L'un des niveaux les plus importants, à mon avis, c'est ce que nous appelons la relocalisation, retrouver le sens du local. Une des choses les plus aberrantes, c'est de penser que les consommations actuelles incorporent au minimum 5000 km de transport, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons. Et je prends toujours l'exemple un peu emblématique du petit yogourt à la fraise. Le Wuppertal Institute, qui est un grand institut écologique en Allemagne, a calculé que le petit yogourt à la fraise que l'on trouve sur les étals des supermarchés incorpore plus de 9000 km. C'est dingue. C'est dingue. Quand on pense, sans revenir à l'âge de pierre, que du temps de mes parents ou de mes grands-parents, on mangeait du yaourt fabriqué à la maison avec le lait de la ferme d'à côté et les fraises du jardin. C'est-à-dire qu'il incorporait quelques dizaines de mètres à pied. 9000 km pour un petit yogourt. Et c'est la même chose pour tout, avec les conséquences désastreuses, évidemment, de ces transports délirants qui engendrent l'effet de serre et de temps en temps des catastrophes comme ce qui s'est passé sous le tunnel sur le Mont-Blanc, qui est assez intéressant, puisque les camions qui ont été cause de l'accident transportaient des pommes de terre qui venaient de Hollande et qui allaient en Italie pour se faire transformer en chips et pour retourner en Hollande. Est-ce vraiment raisonnable? la relocalisation, donc comme une première étape vers des sociétés plus raisonnables, plus heureuses aussi. Voilà ce que Serge Latouche nous propose, toujours dans le cadre de son entretien qui a été donné en 2004, je vous le rappelle, à Daniel Mermet sur les ondes de France Inter. Alors malheureusement, on va en rester là aujourd'hui, hein, le temps file. Pour ceux qui ont envie de poursuivre la discussion sur la question de la décroissance, ben, c'est lundi que ça se passe, le 3 octobre, de 19h à 21h30. C'est au Centre culture et environnement, pardon, Frédéric Bach, au 870 avenue Salaberry. Donc c'est organisé par la revue Relations. On espère vous y voir nombreux, en tout cas nous on y sera. Avant d'entamer la deuxième partie d'émission avec Michel Monnette qui va nous rejoindre dans un instant pour nous parler de militantisme et d'Internet, on se quitte d'abord le temps d'une petite page de pub. Alors restez bien avec nous pour la suite du Grain de Sable. Le mercredi 5 octobre, l'Ampli vous invite à prendre l'apéro à l'occasion d'un 5 à 7 pour le dévoilement de sa programmation et la présentation des candidats 2011-2012 du volet pro. Une belle occasion pour souligner la vitalité des artistes de la relève de la capitale, consulter la programmation et voir des prestations des artistes sélectionnés au volet pro. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89A. Vous êtes parents de jeunes conducteurs et vous êtes préoccupés par leur sécurité? Assistez à la conférence du Dr Chicoan. Vous apprendrez comment les aider à minimiser les risques et les dangers qui trop souvent sont la cause des accidents de la route chez les jeunes conducteurs. Cette conférence débutera à 19h et aura lieu au Collège François-Xavier Garneau lundi le 3 octobre, au Cégep Limoilou, campus de Charlebourg, mardi le 4 octobre. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Du 28 septembre au 1er octobre, le Festival de la chanson francophone Limoilou m'enchante présente 4 soirées uniques avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Robert Charlebois, le 28 septembre, Philippe Noirot, Jessica Vignon, Annie Poulain, le 29 septembre, Michel Buller, Bruno Brel, le 30 septembre et Mariem, le 1er octobre, seront au rendez-vous. Les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour. À noter que les spectacles du 29 septembre, hommage à Sylvain Leguèvre et celui de Mariem le 1er octobre, sont présentés gratuitement. Tous les spectacles ont lieu à 20h à la salle Sylvain Leguèvre du Cégep Limoilou. Du 28 septembre au 1er octobre, la grande chanson, c'est à Limoilou. Billets en vente sur le réseau Billettech. Moi aussi, j'aurais quelqu'un qui m'aime. Votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 au 89.1. Sur ce petit air planant, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable sur CKRL 89.1. On est rejoint par Michel Monnette qui va nous présenter cette saison une chronique mensuelle consacrée au militantisme et Internet. Alors, oui, c'est vrai, Michel, bienvenue. On ne va pas planer, on va naviguer. Voilà, on va naviguer. Alors, première question qui s'impose d'abord, pourquoi Internet et le militantisme? En fait, l'idée, c'est de parler des divers usages que les mouvements alternatifs font, de toutes les possibilités qu'offre Internet. Parce qu'Internet, maintenant, ce n'est plus seulement que le mon vieil ordinateur fixe qu'on a à la maison, au bureau, c'est ça. Ou même le portable, à la limite, mm-hmm. qu'on pouvait traîner. Internet, maintenant, c'est l'appareil mobile qu'on a avec voilà. nous, les tablettes, le téléviseur, bientôt. On nous promet un accès beaucoup plus facile, quoique ça s'est déjà fait il y a plusieurs années. Mm-hmm. Mais bon, maintenant, semble-t-il que ça a beaucoup évolué. La radio aussi, on a de plus en plus de radios qui sont directement branchées sur le web. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent actuellement avec une radio Internet, mm-hmm. sait-on jamais. Donc, il y a beaucoup, de plus en plus de possibilités. C'est un peu de ça que tu veux nous parler, alors. C'est un peu de ça que je vais creuser. Et donc, pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler de l'utilisation qu'un groupe nommé Attaque fait Internet. Attaque, effectivement. Je me suis dit que ça serait bien de présenter à nos auditeurs toutes les possibilités, les diverses mm-hmm. possibilités de cybermilitantisme. Il y en a. Attaqué, si je peux me permettre ce néologisme. Dans un premier temps, je vais aborder les possibilités dans une perspective globale, okay. puis je vais revenir plus au local, c'est-à-dire plus particulièrement ce qu'on propose ici au Québec, Attaque Québec. Okay. Alors, ça tombe bien de débuter cette série de chroniques par Attaque, puisque on vient à peine de refaire le site web. En juin dernier, mm-hmm. le site a été refait. Ça me donne l'occasion d'en parler. Voilà. Et aussi parce qu'au plan mondial aussi, il y a des changements qui s'annoncent. Il y a un site international, il y a une communauté, une cybercommunauté qui est en train de se mettre en place. Donc, on nous annonce des changements de ce côté-là. C'est en phase bêta. OK. Enfin, on se demande s'il y a des choses qui ne sont pas en phase bêta sur le net, mais bon. Voilà. Okay. Donc, ça bouge beaucoup. Bon, donc là, tu viens en fait de distinguer entre le global et le local. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons pour Attaque d'être dans Internet? Oui, comme certains de nos auditeurs le savent, mais c'est peut-être bon de le rappeler, effectivement, mm-hmm. Pour le bénéfice de tous. Attaque, c'est un mouvement mondial, mais à partir de cellules locales. Je crois qu'on dit des cellules, hein, où j'ai vu chapitre, c'est ça. Donc, brièvement, on peut rappeler que l'association Attaque, l'Association pour la taxation des transactions financières et l'aide aux citoyens. Voilà. a été fondée en France en 1998, après la rédaction d'un édito du Monde diplomatique. On se rappelle de cet édito, là, désarmer les marchés. Et donc, cette idée a été lancée, elle s'est étendue avec la mise en place d'un réseau Attaque en 1999 autour d'une charte internationale. Il y a 40 pays où elle est active actuellement. Il y a 1000 groupes, au-delà de 1000 groupes locaux. Tout dernier, c'est à Londres, on va en parler tantôt. Il y a des centaines d'organisations qui soutiennent le réseau. Donc, toutes ces cellules mènent, bien sûr, des campagnes plus traditionnelles, avec des dépliants, de téléphone, etc. Mais de plus en plus, on utilise le web, on utilise Internet, on utilise toutes les possibilités, finalement, pour militer. Et il y a un certain nombre de cellules locales qui ont au minimum un site web. Il y a aussi un site international. Et là, je vais donner l'adresse du site international. Mm-hmm. C'est attaque.org. Okay. Et ça, c'est pour le bénéfice des auditeurs, peu importe où ils sont dans le monde. Parce que c'est aussi du réseau global. Voilà, on peut, à partir de là, voir s'il y a un site dans notre pays. Mm-hmm. Et à partir de là, bon, aller évidemment sur le site de notre pays. Ou en tout cas, s'il n'y en a pas, bien, éventuellement. Pour qu'il y en ait. Hein. Voilà. Et donc, ça passe par quoi, en fait, sur le site international? J'ai réalisé, en fouillant un peu la question, parce que j'étais vraiment pas au courant, mm-hmm. qu'on peut joindre une communauté virtuelle sur le site international. Okay. Donc, véritablement, je me suis inscrit. quand j'ai vu que la possibilité existait. Il faut dire que c'était en mode bêta. L'accès n'est pas toujours évident. En fait, il faut, quand on arrive sur la page d'attaque.org, il faut descendre dans le bas à droite et là, on voit le mot « communauté » en anglais, « community », et on clique. Et là, on a la possibilité de s'inscrire. OK. Et une fois inscrit, on a accès aux autres membres de la communauté. On peut les classer par chapitre. Mm-hmm. Par exemple, dans celui du Québec, il y a 14 membres actuellement. Il y a 14 personnes qui sont membres, dont Claude Vaillancourt, qu'on connaît. Co-président. Voilà, exactement. Alors, Claude s'est inscrit aussi dans la communauté. OK. Et peut-être une petite précision aussi, parce que certains de nos auditeurs seront sensibles à ça, qui ont peut-être qu'ils ont vu passer toute cette controverse dans Google Plus autour de l'utilisation, de l'interdiction d'utiliser des pseudonymes. OK. Ça a heurté certains même qui ont carrément sorti de Google, mais qui se sont tournés vers d'autres solutions, comme Diaspora, par exemple, qui est une solution logicielle libre, qui est un réseau qui est en train de se former. Donc, on peut choisir de mettre un pseudo. D'accord. Dans, là, c'est sur possible. La communauté. C'est possible, voilà. Effectivement, de mettre un pseudo. Alors, les gens peuvent, dans certains pays, même ça s'impose. Oui, c'est ça. C'est une question de libre choix. Une question de... Oui, c'est une question de sécurité de personnelle. Aussi pour certains. C'est ça. Voilà. Oui. OK, donc ça, c'est pour les communautés virtuelles. Oui. Il y a aussi des groupes? Oui. On peut faire des groupes. J'ai pas vu de groupe Libellic Québec pour le moment. Il y a un groupe qui s'appelle par contre London UK, United Kingdom. Mm-hmm. Et quand ce groupe a été créé il y a quelques mois, c'était en vue de former une cellule d'attaque à Londres. Et cette cellule d'attaque, elle existe. Bon. Et j'ai même vu dans la communauté qu'il y avait. Qui m'a permis, à leur page Facebook, qu'il y avait une réunion. Bon, ça indiquait le 31 septembre. Je me suis dit, c'était ou hier ou c'est aujourd'hui, mais il y a une première réunion d'une communauté en Grande-Bretagne. Alors, c'est une grande première pour attaque. Exactement. Ouais, effectivement. Et dans le contexte européen, on comprend que. Bon, il y a un besoin de regroupement. Voilà, exactement. Et cette lutte pour avoir une taxe, finalement, qui permet de freiner la spéculation financière tout en renflouant les cordes de l'État, c'est évident que. Ça prend son sens. Hein. Voilà. Alors, tu viens de nous expliquer, finalement, les possibilités qui sont liées au site du réseau Attaque International. Oui. Mais en ce qui concerne les différents chapitres locaux, on va les appeler comme ça, est-ce qu'ils ont tous une page Facebook, par exemple? Pas tous. Pas tous. Je peux pas dire exactement combien ont une page Facebook. C'est difficile dans Facebook de toute façon. Ouais, en plus, moi, je ne suis pas dans Facebook parce que j'ai décroché Facebook. Non, absolument, j'y étais. Tu survis. Je suis sorti de Facebook parce que j'étais vraiment pas d'accord avec la façon dont ils traitaient les données personnelles. Ça changeait constamment. Et je suis débarqué. Et donc, ils n'ont pas tous effectivement une page Facebook. Mais je veux juste revenir sur les possibilités de la cybercommunauté attaque, juste parce qu'on pour ne pas oublier, signaler à nos auditeurs. D'abord, on peut écrire des billets de blog. Okay. Donc, on peut, une fois qu'on est devenu membre de la communauté, on peut publier des billets de blog à partir de nos pages. On peut aussi publier des événements, des photos même. On peut créer des pages wiki. Okay. En fait, wiki, c'est une syntaxe simplifiée là, plutôt que le HTML. Il y a quelques signes qui nous permettent de mettre en italique, en gras, de faire des liens facilement. Et donc, on peut faire tout ça. Donc, évidemment, ça a besoin d'amélioration. D'ailleurs, je le disais tantôt, on annonce une refonte majeure de cette communauté virtuelle-là pour effectivement avoir quelque chose de mieux. J'ai bien hâte de voir. J'ai écrit au webmestre, je n'ai pas eu de réponse encore. Bon, peut-être qu'une prochaine fois, si j'en ai, je vous indiquerai effectivement entendent faire cette mise à jour, finalement. Ça roule sous Drupal, en passant. OK. Donc, c'est ça. Donc là, on en était aux groupes locaux. Donc, tu nous dis que tous n'en ont pas, qu'éventuellement, alors c'est à chacun d'aller voir pour le propre pays qui le concerne, s'il y en a un. Voilà. Mais du coup, si je comprends bien, il y a certains groupes qui sont plus actifs que d'autres, en fait, en matière de cybermilitantisme. Oui, d'ailleurs, je prends un pays comme le Togo, par exemple. Il n'y a pas de page web. Enfin, j'ai voulu accéder à la page web et ça tombait dans le vide. D'accord. Donc, il y a certains pays. Par contre, il y a des pays où il y en a plusieurs. Mm-hmm. En Suisse, par exemple, il y en a trois. Okay. Hein, français, allemand, italien, je crois, la troisième. Il y en a deux au Canada. Okay. Il y a Attaque Québec et Attaque Ontario. Donc, Ontario, c'est vrai, qui vient de créer récemment. Exactement, ils ont un site web qui est beaucoup plus simple que celui du Québec. On a pris de l'avance sur eux, mais bon, éventuellement, ils nous rejoindront. Donc, il y en a, il faut voir, en France, il y en a beaucoup, plusieurs sites, il y a plusieurs chapitres locaux qui ont un site Marseille, Lyon. OK, donc il y a encore des sites sous-nationaux. Oui, exactement, c'est ça. Donc, il y a plusieurs sites en France et dans d'autres pays, probablement, c'est la même chose. Okay. Alors, c'est vraiment via attaque.org et via les sites nationaux qu'on peut aller voir, mm-hmm. et peut-être même découvrir que dans notre propre ville, il y a un site. Ici, au Québec, il y en a un seul pour l'ensemble du Québec. OK. Alors, effectivement, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, tout ce côté-là, Internet, oui. de la militance, d'attaque. Avant de continuer sur là-dessus, puis de voir en fait comment Attaque Québec s'en sort sur la toile, on va écouter une dernière chanson de l'émission. C'est une chanson que tu as choisie. Oui, exactement. Est-ce que tu veux la présenter? J'ai un petit blanc, là, je ne l'ai pas inscrit. HK et les Saltimbanques. Oui, exactement. Voilà. C'est un groupe que j'ai beaucoup aimé entendre et que j'ai découvert via ma recherche, effectivement. D'accord. On va écouter ça tout de suite. La chanson, c'est Indignez-vous. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voix pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corde au cou. Je suis revenu de si loin. Je rends grâce à mon étoile, la mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Burenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire, prenez-en le plus grand soin. L'indignation obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles, quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde, pour sauver le roi dollar et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles. Voilà, indignez-vous avec HK et Saltimbanque. Alors on est toujours ici. Qui a été créé dans le contexte qu'on connaît actuellement, la crise. Oui, c'est ça. Il faut s'indigner, ça n'a aucun bon sens. Voilà. Ça se passe actuellement. Et ce slogan-là devient le cri de ralliement de tout un mouvement qui a démarré en Espagne, qui s'est étendu en Grèce, en France. Exactement, c'est puis, ça. Puis à Wall Street même, ils sont en train de faire sur le même modèle. Wall Street, c'est ça, j'ai pas. Ils sont aussi inspirés de cette démarche-là. C'est pas tellement diffusé dans les médias traditionnels. Pas beaucoup, effectivement, sur Internet, ça circule beaucoup. Oui, beaucoup dans Diaspora, entre autres, j'invite les gens à aller voir Diaspora, joindiaspora.org. Okay. C'est une alternative à Facebook, c'est ça? Exactement, c'est une alternative à Facebook qui va bientôt être en phase bêta. Voilà, en phase bêta. Là, ils sont en phase alpha. Ok, donc écoutez, on va continuer ici, ici au Grain de Sable, jusqu'à 13h. Après, c'est Olivia Vu qui reprendra la barre. On reprendra un peu de son temps. Voilà, avec son émission Compte de fait. Donc, on parlait militantisme et Internet du réseau ATTAC. Oui. Alors, on va se pencher sur ATTAC Québec. Qu'est-ce qu'il en est d'ATTAC Québec? Ben, justement, si je te demandais, la première utilisation d'Internet par ATTAC? Bonne question. Par ATTAC? Oui, ATTAC Québec. Bonne question. Ben, la radio. Il y a des gens qui nous écoutent actuellement sur le web. Alors, la radio passe par Internet et il y a les podcasts qui sont disponibles, les balado-diffusions qui sont disponibles. Donc, tous les gens qui ont un ordinateur, un appareil mobile, une radio Internet, je le disais tantôt, peuvent écouter ATTAC Québec. On n'est pas la seule émission ATTAC dans le monde. J'en ai trouvé, par exemple, en Autriche, il y a Radio ATTAC. OK. Je ne l'ai pas prononcé à l'allemande. Oui, c'est ça, je suis un peu déçu. Il y a, d'ailleurs, lors de leur dernière émission, il était notamment question d'un congrès sur le matriarcat qui a eu lieu en Suisse en mai dernier. Fort intéressant, sauf que j'ai absolument rien compris. Oui, c'est ça, évidemment. Parce que je ne comprends pas l'allemand. Il y a aussi le Grain de Sable, version Atacrone. Okay. On peut écouter sur le site Radio Canute, 102,2 Lyon, mais disponible aussi sur Internet. Mm-hmm. Une radio intéressante, j'en ai écouté un petit bout hier. Il y a aussi ATTAC Bruxelles. Voilà. Hein, que vous connaissez, ATTAC Bruxelles. Et on peut donc écouter en podcast une émission qui s'appelle Autre Possible. La dernière émission, d'ailleurs, portait sur le Proche-Orient. C'était fort intéressant. Oui. Vraiment un bon tour d'horizon du Proche-Orient. Un sujet d'actualité aussi. Oui, tout à fait. Juste rappeler à nos auditeurs que notre émission, elle est disponible en podcast sur ckrl.qc.ca ou sur le site d'ATTAC Québec, justement. Mm-hmm. On va y venir au site d'ATTAC Québec. C'est québec.attaque.org. Voilà. Bon, ben justement, à propos du site, tu nous expliquais qu'il vient d'être refait. Il était refait finalement au juin dernier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette refonte? Oui, ça a été une mouture. Le site a été refait, a été redessiné autour de trois grands axes d'action, les trois grands axes d'action qui occupent ATTAC Québec. Et c'est vraiment frappant quand on arrive sur le site québec.attaque.org. On tombe tout de suite sur ces trois champs d'action, c'est-à-dire les paradis fiscaux. Ouais. L'accord de libre-échange avec l'Europe et la taxe sur les transactions financières. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment très clair quand on arrive sur la page d'accueil. La dernière émission de radio réalisée par ATTAC est disponible directement sur le site et on peut l'écouter là, sur le site même. Là, c'est vraiment simple. On appuie sur Play et ça joue, tout simplement. Il y a aussi une section Agir qui est à droite dans une boîte de couleur rouge. Là. Vraiment, on ne peut pas la rater. Oui. Et là, on a accès aux diverses possibilités d'action, soit pour soutenir, s'impliquer, dynamiser le travail de l'association ATTAC Québec. Le site, en fait, vise à refléter ce dans quoi ATTAC Québec est active. Mm-hmm. Et ça... Oh là là! C'est pas grave, chers auditeurs. C'est pas j'accroche un peu. C'est pas un centre de documentation complet, total, par exemple, sur les paradis fiscaux, sur la mondialisation, mais il y a quand même plusieurs liens, il y a beaucoup de liens. Voilà. Alors, les gens qui s'intéressent à ces questions-là peuvent finalement, à partir de notre site ATTAC, aller vers d'autres sites où il y a plus de contenu. D'ailleurs, j'ai pas mentionné tantôt ATTAC France, qui est franceattaque.org, france.attaque.org. Il y a une chose intéressante, là, c'est Attaquepedia. Mm-hmm. Et j'invite les gens à aller voir sur Attaque France et à aller voir Attaquepedia, parce que ce sont des définitions. C'est un peu comme Wikipédia, mais c'est les principaux concepts, les principales notions, finalement, liées au mouvement alternatif auquel on peut avoir accès. Donc, il y a, juste en passant, tiens, je vais en profiter pour souligner le travail de certains gens, là, de certains militants d'ATTAC. Là. Donc, il y a Myriam Zaha, je crois que c'est Zaha qu'on dit, Normandin, qui est technologue en informatique, qui est designer web, qui a réalisé avec beaucoup de patience et de savoir-faire. J'ai moi-même travaillé à la refonte de certains sites web. Je peux voir tout le travail qu'il y a derrière ça. Un boulot impeccable. Oui, exactement. Il y a aussi Catherine Caron qui a donné un coup de main. Elle est sur le CA d'attaque. Si oui, elle est sur le CA. C'est la femme de Claude Vaillancourt qui est coprésidente. Bon, elle a donné plus qu'un coup de main. Elle a vraiment travaillé en collaboration avec intensément. Donc on peut vraiment lui tirer notre chapeau parce qu'elle a fait un boulot. Il y a François de la Liberté finalement qui a vraiment fait un premier travail préliminaire et qui a un peu donné cette idée-là de cette nouvelle façon de présenter les projets. Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient organiser le site comme ça, mais... Oui, et c'est une excellente idée parce que c'est vraiment clair. Là. Les gens voient finalement, et ils peuvent aller dans chacune des sections. Par exemple, dans la section sur les paradis fiscaux, Attaque Québec travaille essentiellement en partenariat avec d'autres. Dans chacune des, si vous allez dans chacun des trois champs d'action, vous allez voir les partenaires avec lesquels on travaille, par exemple. En ce qui concerne les paradis fiscaux, ça renvoie à un site qui s'appelle échecparadisfiscaux.ca, où là, il y a une quinzaine d'organisations civiles, finalement, qui sont dans cette coalition qui veut faire échec, qui veut finalement qu'on mette fin à ces paradis fiscaux où se perdent des sommes énormes qui pourraient servir pour le bien commun, pour le bien public. Il y a des syndicats, il y a des associations étudiantes, l'Union des consommateurs, les Amis de la Terre, le réseau de la justice fiscale, il y a le mouvement de discussion et défense des actionnaires, le MEDAC. Tous ces gens-là sont donc sur le site. On peut, à partir du site, on peut transmettre une carte postale électronique au ministre des Finances du Québec avec copie conforme à son député. Alors, j'invite les gens à aller sur, peut-être sur Attaque Québec. Et de là, aller sur le site Échec aux paradis fiscaux et remplir cette carte postale. Donc, l'autre champ d'action, c'est les enjeux des négociations de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. On n'en parle pas beaucoup. Oui, il y avait une nouvelle dans Le Devoir cette semaine, Pierre-Marc Johnson, qui disait que c'était tout près, finalement. On était tout près d'une entente là, d'ici les fêtes. Il devrait y avoir une entente. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement qui dise non, parce que ça peut menacer nos services publics, cette histoire-là. Et justement, on peut se rendre à partir du site d'attaque, on a plusieurs liens pour mieux comprendre les dangers que représente cet accord. Et pour, si on veut agir et sensibiliser la population aussi, on a des liens qui nous permettent de savoir comment s'y prendre. Tout à fait, parce que c'est ces mois-ci finalement que ça va se jouer, comme tu disais. Oui, c'est planifié de le ratifier, en tout cas de le conclure pour Noël. Oui, c'est vraiment maintenant qu'il faut se manifester. Oui, il y a déjà une ronde de négociation, je crois que c'est en octobre. Voilà, c'est en octobre. Il faut s'activer. C'est à ce moment-là que ça passe ou ça casse. Il faut savoir qu'en Europe, ici au Canada... Évidemment, le gouvernement conservateur est particulièrement enthousiaste, donc c'est difficile de faire pression sur eux. Oui, puis le gouvernement du Québec aussi. Le gouvernement du Québec, malheureusement, aussi. Oui. Alors que les provinces sont justement impliquées dans les négociations. Oui, c'est une première et ça peut être un danger, effectivement, pour les services publics dans les champs de compétences provinciaux. Normalement, elles sont censées toutes donner leur accord, donc ça multiplie le nombre de personnes qui doivent être d'accord. Donc normalement, c'est favorable pour nous, sauf que pour l'instant, ça ne joue pas tellement. Exactement. C'est la même chose. Enfin, il va y avoir une adoption par le Conseil, le Parlement européen par chacun des pays, c'est ça. Voilà, exactement. Et avec la situation qui est celle de l'Europe actuellement, on peut penser aussi qu'il serait un peu refroidi sur une nouvelle ronde de mesures néolibérales, mais apparemment, ça n'a pas refroidi leurs ardeurs, on va dire. D'ailleurs, à ce propos-là, tu m'as envoyé toi-même la nouvelle. Il y a une semaine d'action qui va se tenir du 17 au 21 octobre, organisée en coalition par le Réseau pour un commerce juste et par le Réseau québécois d'intégration continentale. Oui. Ça va se tenir à Ottawa, justement, pour faire pression sur les négociations. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler ici. Tout à fait, on pourra en reparler, c'est ça, à l'émission. Oui. Voilà, parfait. Puis le troisième champ d'action. Bien, c'est la raison d'existence même d'attaque. C'est la fameuse taxe sur les transactions. C'est ça, la taxe sur les transactions financières. Et ça bouge beaucoup, on le sait, avec l'approche du sommet du G20 en France en novembre prochain. Sur notre site, d'ailleurs, à partir de notre site, on peut signer une pétition à l'intention du Premier ministre Harper et des dirigeants du G20 pour leur demander d'appuyer finalement l'initiative du gouvernement de la France. Ouais. Et on peut aller aussi sur le site abolissonslapauvreté.ca et envoyer un message au ministre des Finances, John Flaherty, pour demander finalement d'appuyer cette idée d'une taxe sur les transactions financières qui fait un petit bout de chemin. Oui, ça avance. Ça avance. Pas exactement dans le sens de ce qu'on voudrait, mais ça avance. Non, mais en tout cas, c'est arrivé dans le débat public, donc c'est intéressant de voir exactement. Que au moins c'est devenu un enjeu qui est envisageable, quoi, ce qui n'était pas encore il y a 2-3 années. Oui. Bon, Michel, merci beaucoup. On va se dépêcher de conclure pour laisser la place à Olivia Vu. Merci énormément pour toutes ces infos. Merci à Fabien Duby qui était à la mise en onde. On vous rappelle donc que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL ou sur celui d'Attaque Québec. Vous pouvez aussi nous écrire à legraindesable.quebec.org. Voilà, exactement. Québec.attaque.org, pardon. Vous pouvez nous écrire au Grain de Sable, donc l'adresse est legraindesable@hotmail.com. N'oubliez pas, lundi 3 octobre, donc ce lundi, soirée relations consacrée à la décroissance, c'est de 19h à 21h30 au centre Frédéric Bach, 870 avenue Salaberry. Donc en attendant, je vous laisse en compagnie d'Olivia Vu et de Contes de Fées. Tout de suite après ces quelques publicités, toujours sous les ondes de CKRL, cultive tes goûts. Le Resto Bistro Le Saint-James vous offre tous les jours de 11h à 22h ses spécialités de pâtes, pizza, steak et côte levée.